Sous l'aube naissante, la forêt respire. Les gouttes perlent, le sol s'inspire. Riders qu'il marche, silhouette en veille. Dans chaque ombre, une promesse se réveille. Les pierres lourdes racontent des combats. Les nuits sont longues, le froid combat. Le feu vacille mais ne meurt jamais. Sur Twitch les drops tombent et la foule guette. Et voix s'élèvent en prière haute. Un cœur fort dans la nuit qui s'emporte. Riders qu'il tient ferme l'espoir. Dans chaque note, l'écho d'un soir. Veille des braves, lumière en marche. Nos chants s'élancent, cœur qui s'arc. Riders qu'il guide sous ciel mouvant. Sur Twitch, les drops brillent dans le vent. Fort et mystique. Brasier secret, notre foi danse dans chaque secret. Un coup de feu fend le voile épais. La base tient même sous le stress. Les voix s'élèvent, hymne de fer. Raid ski à l'avance, défi clair. Les liens se tissent forts et vrais. Sur Twitch, les esprits ne fléchissent jamais. Les drops tombent, éclats de lumière. Chaque instant forge notre prière. Le vent se lève, tambours battent. Le cœur s'enflamme, le doute éclate. La marche continue, l'aube est proche. Riders qu'il sourit, prêt pour la roche. Pas lourd sur la terre, rythmes et forts. On avance, soudé comme un corps. Sur Twitch les yeux brillent, passion partagée. Les drops tombent, espérant. Le calme revient, souffle retenu. Mais dans l'âme, le feu est tenu. Riders qu'il veille, gardien des rêves. Sur Twitch, la flamme jamais ne s'achève. Les feuilles murmurent, tension douce. Mais la force est là. Jamais ne pousse. Riders qu'il lève l'épée au ciel. Sous la forêt, le pacte est éternel. Une étincelle s'allume, cri de la troupe. Le feu grandit et la nuit recoupe. Rien n'arrête cette marche sacrée. Sur Twitch, chaque drop est fêté. Chaque visage, chaque nom écrit l'histoire, forge le bastion. Veille des bras, lumière en marche. Riders qu'il, Riders qu'il guide, cœur qui s'arc. Dans Reus, nos voix percent la nuit. Chaque victoire. La brume s'enfuit, mais la flamme vit dans chaque bruit. Riders qu'il part, fier et droit. Car dans la forêt, tes lois.